de la KPZ. La Maïf. WCC. Temps scolant, grandiant, charge n'a de nouveau souci. D'avancer et de garder la tête hors de l'eau, c'est difficile, un déficit de l'oxygène. On s'enfonce de plus en plus dans le mode moins. On essaie de trouver nos plus, nos ennemis souhaitent. On coule enfin, les vertus c'est le début. On est loin de la fin, on a faim de la vie. De posséder ce qu'on a envie. Trouver des nouvelles sorties pour sortir de la routine. Je prends mon dernier souffle pour m'en sortir, car je suis pas ce genre de mec qui esquive. Et je suis pas le seul, on forme la force avec mon équipe. Si on a un obstacle sur notre circuit de la vie, on l'évite pas, on fonce tout droit. Parce qu'on a des têtes dures comme nos couilles. Parce qu'on est les amants, on doit les porter à chaque embrouille. On se débrouille de profiter de la vie, même si cela n'est pas du gâteau. On a notre cible, on lui tire dessus, pas au côté, mais juste au milieu. On est très sérieux, car le quotidien nous oblige. On s'exprime avec nos cœurs, on dit ce qu'on veut, son homme des vertiges. On reste le même, même si le climat change. On s'adapte pas, on dit que nos règles ont plus d'avantages. Pour ne pas finir dans l'oubli, comme nos ancêtres. Mais laisser une trace, cette terre, mais pas celle de la merde. Dans ce coulant, on grandit, on charge, on a des mots, ceci les perdonneront. Ce plus nombreux de ce qu'on a envie, là je le dis, il vaut même pas voir la merde qu'on a ici. Car on est tous les victimes du jeu qu'on fait partie. Le temps de ce coulant, on grandit, on charge, on a des mots, ceci les perdonneront. Ce plus nombreux de ce qu'on a envie, là je le dis, il vaut même pas voir la merde qu'on a ici. Car on est tous les victimes du jeu qu'on fait partie. Я пытаюсь сделать последний вздох, чтоб не упасть. А прорваться вперед, чтоб не оказаться у всех позади. А быть впереди на жизненном пути, чтобы не тонуть с огромным грузом на шее. А чтобы выплыть из говна и не вспомнить, что за ужас был на той неделе. Делай, что хочу, не думай, что будет завтра. И знать, что никогда не вернется обратно. И думать о том, что проживаем жизнь мы зря. Но скажем в нем кушать горечь завтрашнего дня. Держать себя на привязи, давиться и от зависти. Кому какая разница, ведь жизнь может и не нравится. Если хочешь, отдавай жизни все, что есть у тебя. Но я не такой, я есть я. И когда я проснусь, я осознаю, что дышу. Я в полный голос смогу сказать, что я живу. Grandion, charge, on a de nouveau ceci, les perdonnerons. Souple, nous brodez ce qu'on a envie. Là, je le dis, il faut même pas voir la merde qu'on a ici. Car on est tous les victimes du jeu qu'on fait partie. J'en place une pour les gens que j'aime. Après le couplet de Big Jam, dans cette Big Jam, le rap et le M&M, ce qu'ils font au fond de ma gorge. Je le digère avant que le temps s'engorge. Le temps est court, ici, la peine est sourd. Les secondes, les minutes, les heures passent, c'est lourd, c'est court. On aimerait tout faire, mais rien à faire dans les affaires. Le temps nous prend de vitesse. La voiture n'a que 6 vitesses. Contrairement au temps qui possède 3600 vitesses. Je suis rentré en prison hier, j'en suis sorti aujourd'hui. Ma peine, Delta avec sursis. Aujourd'hui, j'aimerais revoir tous mes amis. J'aimerais revoir tous mes amis. Mais mon visage est dans l'oubli. Les rats du train-train quotidien mèneront la rétine de mes yeux qu'à la routine. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est plus vieux. On n'a pas le temps de rêver, pas le temps d'oublier. Le temps s'efface, mais le temps n'efface rien. Mais le temps n'efface rien. Время ударит, и сильно поздно будет жить. И свой крест на гору тащить очень сложно.